un pays propre en ordre. Début avril, Faustine est envoyée par Manpower chez Alcoa S.A. Aluminium Company of America, avenue d'Ouchy. Elle y restera jusqu'à fin mai. Elle travaille dans un département qui a quelque chose à faire avec la bourse. Ses deux patronnes du moment, Florence et Maggie, passent leur temps au téléphone. Faustine tape les ordres d'achat ou de vente et les transmet aux banques après les avoir fait vérifier. C'est un boulot rébarbatif, ennuyeux à périr. Le bon côté, c'est qu'entre deux envois de téléx, on la laisse utiliser son temps comme bon lui semble. Elle peut lire, écrire ou même tricoter. Dans le KGB qu'on lui a alloué, Faustine bénéficie d'une paire royale. L'unique fenêtre donne sur la cour, mais au moins il y en a une. Elle ne se prive pas de l'ouvrir quand elle fume. À l'heure du déjeuner, la jeune femme savoure son pique-nique sur les bords du Léman, face aux Alpes françaises. Parfois, elle sort déjeuner avec Florence et Maggie à la pizzeria qui fait l'angle. C'est rare car les deux sont de piqué et interrompent leur repas sur le moindre appel pour foncer au bureau. Lorsqu'il est midi en Suisse, il est 6h du matin à Pittsburgh, siège de la maison mère. Les Régains se lèvent tôt pour faire des affaires avec les bourses de Paris, Zurich et Londres. Lorsqu'il fait beau, Faustine descend au bureau à pied. Par ces matinées d'avril pleines de sève et de chants d'oiseaux provenant des platanes qui bordent l'avenue, c'est un vrai régal. Il fait 14 degrés au soleil. La petite laine est de mise, mais à midi, au bord du lac, la réverbération fait grimper la température. Après le boulot, la vraie vie commence. Une fois par semaine, mère et fille se rendent au Weight Watchers. Quelle expérience! On dirait que l'animatrice sort de l'armée tant la discipline est stricte. Ici, pas de cadeaux. Si les participantes n'ont pas perdu un gramme ou si elles sautent une séance, elles sont mises à l'amende. Maman et Faustine trichent en enfilant des vêtements plus légers. C'est plus amusant que de cuisiner en comptant les calories. En fin de compte, si Faustine perd du poids, c'est plus parce qu'elle oublie parfois de manger, fume une cigarette à la place du dessert et va danser le vendredi soir. Maman n'est jamais à court de bonnes idées, surtout quand il s'agit de dépenser l'argent des autres. Les autres, dans ce cas de figure, étant Faustine. Ayant lu une annonce concernant un cabinet de voyance situé en centre-ville, elle a pris un rendez-vous groupé. Un samedi matin, elle s'y présente et répond en s'amusant beaucoup à un grand nombre de questions. Il leur faudra attendre 6 semaines une réponse sous la forme d'un dossier épais de plusieurs pages. Si Faustine trouve beaucoup de cohérence dans ce qu'elle lit, et cela se vérifiera par la suite, maman, par contre, est furieuse, au point de refuser de montrer son document à Faustine alors que celle-ci lui a confié le sien sans fausse pudeur. Le jour où elle tombera dessus accidentellement, la jeune femme pourra lire que sa mère est affligée, entre autres défauts, d'un orgueil incommensurable. Ce qu'entre nous soit dit, Faustine savait déjà. Ces mots ont été barrés rageusement et il ne sera plus jamais question entre elles de cette aventure malheureuse. Faustine, qui aimerait bien savoir ce que l'avenir lui réserve, surtout sur le plan de la maternité, prend malgré tout rendez-vous avec une vraie voyante. Ce jour-là, la femme lui tire les tarots et la rassure sur son avenir en lui disant tout ce qu'elle souhaite entendre. Mari et enfant, il y aura, c'est certain, les cartes l'affirment. Allons donc, sa vie n'est pas finie, il suffit d'y croire. Samedi matin, jour de marché, les maraîchers s'étendent depuis le quartier Sougar, presque jusqu'à la cathédrale, au sommet de la cité. Bouchers, boulangers, fromagers, poissonniers complètent l'offre. Tout ce monde bouillonne de vie, de cris, de chants. Il arrive, certains jours de fête, que des yodeleurs soient engagés par la municipalité pour divertir la foule. Faustine rougit de honte à l'écoute des tralalaïtou, des chants traditionnels, tellement aux antipodes de ses affinités musicales. Place de la Riponne, ce sont les brocanteurs et les fripiers qui ont la part belle le samedi. Les jeudis sont réservés aux bouquinistes, les mardis ce sont les philatélistes qui présentent leur collection. Faustine s'accorde un tour des librairies. Nombreuses sont celles qui proposent des occasions. elle y trouve des merveilles, comme ce journal champêtre d'Edith Holden, si magnifique avec son écriture manuscrite et ses touchantes illustrations, toutes des aquarelles de l'auteur. Pauvre Edith qui s'est noyée dans la Tamise en tentant de cueillir une branche au-dessus de l'eau. C'est vraiment pas de chance. Il est vrai qu'à cette époque, la natation ne s'enseignait pas à l'école. Les jours de paye, le summum du luxe pour la jeune femme, c'est de descendre chez Payot et de s'offrir sans compter tous les livres qui lui font de l'œil. Un air de jazz l'arrache soudain à la fascination des étalages. Se dirigeant au son, elle remonte la rue, découvre un quatuor juste devant chez Manuel, le meilleur traiteur de la ville. Les musiciens ne sont pas mauvais du tout. On applaudit, on rit, on discute. Incidemment, Faustine apprend qu'ils viennent de France voisine. Ils gagnent plus en Suisse en faisant la manche que dans leur pays, c'est sûr. Parfois, ils jouent au 1900, une brasserie récemment ouverte sur le boulevard de Grancy. Mais la plupart du temps, ils passent au Kiebra, ce petit club sympa de la rue Caroline. Faustine est rassurée. De son ancienne vie, le jazz est la seule chose qui lui ferait défaut s'il venait à manquer. Lausanne regorge de cinéma. Si Faustine et maman ont apprécié Chambre avec vue, le dernier long métrage de James Ivory. Par contre, elles ont fui pendant l'entracte du film 37-2 le matin de Jean-Jacques Benex. Ce n'est vraiment pas le genre de truc qu'on a envie de voir en compagnie de sa mère. Faustine ne savait plus où se mettre. Par contre, elle a remarqué que beaucoup de films sont programmés à Lausanne avant de l'être à Paris. Décidément, cette ville, avec ses musées, ses cinémas, ses piscines et son bord du lac convivial, offre plus de distractions au kilomètre carré que la capitale française. Le samedi matin, après avoir fait son petit marché, Faustine s'attarde à la bibliothèque municipale. Puis, ayant fait son choix de livres, elle s'arrête dans un bistrot. Elle adore manger en lisant et en observant les gens. Le lundi 14 avril 1986, au bureau, Faustine discute avec Florence du décès de Simone de Beauvoir. Les journaux en parlent comme d'une romancière, oubliant complètement qu'elle était aussi féministe. C'est quand même un comble, alors qu'elle a tellement fait pour la cause des femmes. Même si personnellement je ne suis pas féministe, argumente Faustine. Moi non plus, confie Florence. Heureusement d'ailleurs, parce que mon compagnon est un vrai macho. Oh, mais il faut pas te laisser faire. Le mien aussi l'est. Au point que j'ai dû aller jusqu'à le plaquer pour obtenir une voiture qui me permette d'aller travailler. Un comble, non? Pourquoi tu ferais pas la même chose? Oh, c'est pas l'envie qui me manque parfois. Mais tout bien réfléchi, ce n'est pas lui qui perdrait le plus. Je vois. Tu as de la chance. J'aimerais bien pouvoir en dire autant, conclut Faustine. Effectivement, pas un jour ne passe sans qu'elle ne soit confrontée à l'image d'un couple d'amoureux, d'une famille entourée d'enfants ou d'une jeune maman souriante, un bébé dans les bras. Dans ces moments-là, sa solitude se fait cruelle. Ce 18 avril, premier anniversaire du terrible diagnostic, il lui est difficile de penser qu'il y a un an tout juste, Julien a été déclaré malade. Il s'est passé tant de choses depuis. Faustine se demande si la voyante a raison ou si elle n'aura plus jamais l'occasion d'accéder au bonheur tout simple de la maternité. Elle aimerait tant pouvoir dire, comme Florence, qu'elle aurait plus à perdre qu'à gagner en quittant Maxime. Si elle le quitte, retrouvera-t-elle l'amour? Ne court-elle pas le risque d'échanger un borgne contre un aveugle? Il faut tellement de courage pour franchir le pas alors qu'elle se sent encore si fragile. Maxime, comme s'il avait des antennes, ne tarde pas à téléphoner. « Mon amour, que dirais-tu d'une petite virée au Tessin le week-end du 1er mai? Je suis libre du jeudi au dimanche. »« C'est une bonne idée. Je n'ai rien prévu encore. »« On pourrait mettre la voiture sur le train à Brigue. Depuis Domodos Solin, on rejoindrait Locarno. J'ai entendu parler d'un chouette hôtel avec vue sur le lac et les palmiers. On pourrait même faire un pèlerinage à Prisargues si tu le souhaites. » L'un n'empêchant pas l'autre, pourquoi pas? Il n'y aura pas beaucoup de monde au Tessin début mai. Alors c'est entendu. J'arrange les réservations. En prévision de son voyage, Faustine dévalise la petite boutique qu'elle a découverte récemment. Elle aura l'air d'une gravure de mode à Locarno. À propos de fringues, il faut dire qu'en Suisse, en cette année 1986, la crise n'éclabousse pas encore tout le monde. Le taux de chômage stagne à 2,4% et le niveau de vie est relativement élevé. Dans la rue, les gens sont bien habillés, propres et soignés. L'opulence règne. Nous sommes le 26 avril. Du côté de Tchernobyl, lundi matin, la Russie fait les gros titres. La rumeur se propage. Cela pourrait être grave. Les marchés boursiers deviennent frileux. C'est le statu quo chez Alcoa. Florence et Maggie attendent des instructions en droite ligne des USA. Faustine reprend ses lectures. L'amant de Duras vient de sortir en poche. Ce soir, elle est invitée à souper chez ses parents. Ils ont la télé. On en saura peut-être un peu plus. Même si papa émet des doutes. En général, les Russes n'admettent leurs torts que contraints et forcés. De fait, le 30 avril, les autorités de l'URSS demandent de l'aide aux Occidentaux, quémandant des informations sur le moyen d'éteindre un incendie de graphite. L'Europe entière prend conscience que le noyau du réacteur a bel et bien fondu. Des taux de radioactivité 100 fois supérieurs à la normale sont relevés sur le parcours du nuage contaminé. Une radiation qui, finalement, a très peu touché la Suisse. Heureux pays qui, en déconseillant à ses citoyens le 9 mai de consommer du lait frais et certains légumes, n'hésitera pas à préciser également les petits animaux, lapins, cochons d'Inde, peuvent néanmoins gambader à l'air libre. En marge de ces gaz radioactifs, on rappelle à la population que les pages jaunes du bottin de téléphone fournissent en page 47 des indications sur le comportement à adopter en cas d'alarme en temps de paix. Comme convenu, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, Maxime prend la route de Lausanne. Il passera la nuit dans le studio de Faustine. Au matin, ils partent pour le Tessin. L'expérience de la traversée en train auto du tunnel du Simplon dans un cabriolet ouvert à tous les vents restera pour Faustine inoubliable. Les 3 jours qui suivent lui offrent une bouffée d'air frais. Mais puisque le nuage radioactif s'est arrêté à la frontière, on ne va pas chipoter, n'est-ce pas? Les rives du lac de Locarno sont toujours aussi accueillantes, les palmiers verts et les cygnes blancs majestueux. Le couple prépare activement le retour de Faustine. Elle pose ses conditions. Maxime promet de changer. Il l'attend.